Françoise. Oui. Excuse-nous, hein, ça hurle un peu. Ah non, mais c'est pas grave. En 97, donc, pendant cette année, entre Gérard et Françoise, il y avait des règlements de compte à chaque fois par l'intermédiaire de la radio. Ouais. Gérard dans ses débats. Toi pour tes coups de gueule du mardi. Ouais. Et il y avait des auditeurs qui, par interposé, vous disaient, voilà. Alors, il y avait des auditeurs qui appelaient Françoise chez elle en disant, ouais, on a entendu Gérard qui passait sur d'autres radios, qui t'insulte, etc. On faisait pareil avec Gérard. Exactement. Donc ouais. Vous n'arrêtez. Merde. J'arrive plus à parler. N'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas de gueuler. N'arrêtiez pas. Vous n'arrêtiez pas, voilà. Putain, j'arrive plus à parler. De parler l'un contre l'autre, vous n'arrêtez pas de vous engueuler. Ouais. J'ai décidé un soir de faire venir donc Françoise et Gérard et de pouvoir régler les petits problèmes et de laver son linge sale en famille. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ça, Françoise? C'est plutôt marrant parce que moi, de temps en temps, je m'amuse à regarder directement la cassette. Donc. Oui, parce que ce débat a été diffusé sur Fun TV. Hein. Sur Fun TV, mais l'inconvénient, c'est que quand tu vas le passer ce soir, bon bah, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma cassette en route parce que à écouter le débat, c'est bien, mais le voir directement, voir déjà la tête de Gérard, te voir toi, voir la gueule que j'avais. Je te dis pas, c'est pas terrible, hein. Ouais, c'est pas triste. Non, c'est pas triste. Bon. Mais il y en a sur le débat justement qui a vraiment foutu la merde, qui s'appelle Babar, et c'est lui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'énerver. Ouais, Gérard, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir toi de ce grand moment? Moi, rien du tout. Moi, j'ai simplement à dire une chose. C'est que les gens qui s'amusent à aller dire des conneries sur mon compte ou s'amusaient à se faire passer pour moi sur d'autres radios, je commence à en avoir ras-le-bol, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, ceux qui ont été dire... Ah, tu peux applaudir, toi, t'es de mèche ou quoi? Ceux qui ont été dire que j'avais insulté Françoise dans le courant de la semaine sur d'autres radios, alors que c'est faux. Ça recommence, ouais. Donc, à l'heure actuelle, c'est faux. Donc, alors, maintenant, s'il y en a qui s'amusent à vouloir jouer les gros bras... Et faire les cons, bah dans ces cas-là, qu'ils appellent le 0803-085000, on va s'amuser avec eux. Et c'est tout. On va s'occuper de vous. Voilà. Alors maintenant, s'il y en a qui ont les couilles au cul de le faire, et qui sont passés pour moi sur d'autres radios, eh ben qu'ils le disent, c'est on verra. C'est comme ça, le CD des remixes, Françoise, au passage, il y a des remixes qui reviennent des CD, qui sont en train de se vendre de nouveau, Gérard, comme à la bonne époque. Ouais, mais ça, c'est pareil, de toute manière, j'ai prévenu, de toute manière, pour le 21, de toute manière, le débat des JO, tu peux prévoir une croix de saignette. Non, saignette, non. T'inquiète pas, entre-temps, non. Non, pas ce coup-là. Ah, si, non, tu nous fais le coup à chaque fois, on peut non. C'est quoi encore ça? C'est quoi encore ces conneries? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pas pour toi. C'est quoi? C'est un truc internet, c'est pas Star System. Non, on en a rien à foutre. On a le droit de bosser. Ah bah non, mais de toute manière, c'est ton truc. Alors dans ce cas-là, tu le dis avant d'envoyer les débats et c'est tout. Tu fermes ta gueule. T'as rien foutu de la journée. C'est vrai. Bah si, j'ai bossé toute la journée. Il a l'OMAC. Bien sûr. Il a été au McDo. Et il a été voir aussi les chauffeurs de taxi cet après-midi qu'ont foutu leur merde. Bah oui. Et alors? Ah, j'ai bien fait double appel chez Diffoul, toi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, allez-y, je m'amuse à appeler les gens derrière, je m'amuse à appeler d'autres radios, bien sûr, c'est ça. Alors que moi, je travaille avec une radio, c'est Fun Radio. Oh, ok, voilà, je travaille pas avec n'importe qui. Et la preuve, il sera sinon, là. Sinon, je serai pas là. Ok. Là. Bah ouais, mais bon, si tu commences à dire que tu travailles pour Fun et qu'après, en même temps, juste avant, tu dis que tu viendras pas bosser, c'est non, non, mais pour le 21, je vais voir. Je vais voir parce que j'ai pas. On va en discuter avec Gérard, en tous les cas, je vais mettre. C'est tout. On va régler tous ces petits problèmes. Donc, parce que moi, il y a une chose que je vais dire et je vais préciser. Hein, et Sandy à l'écoute, et ça je commence à l'avoir ras-le-bol, c'est que faudrait peut-être que ça cesse. Parce que Sandy Anamar a fait des dépressions nerveuses. Alors maintenant, faudrait que les petits branleurs qui arrêtent de dire des conneries sur elle, parce qu'elle en a ras-le-bol. Hein. Et l'histoire du break et tout ça, faudrait que ça cesse, parce qu'on en a marre avec Sandy. Elle a qu'à faire du smurf aussi. Ouais, bah toi tu fermes ta gueule, tu t'occupes de la tienne, d'accord? Exactement. Okay. Hein, parce que elle en a marre. Parce que son père aussi, il a écouté la radio et je l'ai eu au téléphone et apparemment il est pas trop content parce qu'on nous insulte et on prend son nom de famille, d'accord? Alors ceux qui s'amusent à faire des tracks comme ça, comme la semaine dernière, hein, avec le nom de famille de Sandy, c'est clair, net et précis, qu'il arrête, parce que sinon ça va mal se terminer. Ok, alors on demande entendeur salut pour le 21, je ne sais pas, on verra. Bonne nuit. Ah mais tu rigoles, mais moi ça me fait pas rire. Ah non, je rigole pas. Bon, voilà, c'est tout.